Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma hiya al-qa'idatu al-thaniya? Ma yata'allak bil-shafa'a. Na'am. Ma yata'allak bil-shafa'a. فالمشركون قالوا أي لما علموا أن الموحدين ينكرون عليهم فقالوا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم أي إلى أصنامهم إلى أوثانهم إلا لطلب القربة والشفاعة. Donc quand ils ont su que الموحدون عباد الله الصالحون Ankaru alayhim al-shirk, ils ont répondu avec cette chouba. Aïe, nahnu, on n'est pas des mushrikoun. Lianna, on invoque, on adore, on se rapproche de ces idoles que pour que ces idoles, elles nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh al-Islam, il a cité deux dalils fi hada, qui c'est qui nous cite al-shahid, ou al-dalil, tfaddal. هو كريم كفار. أحسنت. قال عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. أي الله سبحانه وتعالى يغبط لبعض هؤلاء والذين اتخذوا من دونه أولياء. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qu'ils adorent autre qu'Allah. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله سبحانه وتعالى Il les a qualifiés de quoi dans le verset? Na'am. C'est des menteurs et c'est des kuffars. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Kadhibun li'annahum ils savent très bien da'wat al-rasoul. Et ils ont menti. Et ils adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ils ont combattu ceux qu'ils appellent au tawhid. C'est des kadhab. Kadhaboun. Kuffar li'annahum ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le premier dalil. Le deuxième, Aïndaman, le deuxième pour démontrer à Nahum, ils sont à la bâtille, Tfattal. Na'am. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre Nahum, ils ont adoré autre qu'Allah. Donc, ça montre que ce qu'ils font, ce qu'ils appellent hum shafa'a, ou l'wasila, ou l'tawassul, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé ibadah, wa ya'buduna min dunillah. Et on a beaucoup de adilla, anna ibadatu ghayrillahi azza wa jalla, c'est du shirk. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ils adorent une chose, une créature, elle ne leur fait aucun mal et elle ne leur apporte aucun bien. Et avec tout ça, ils prétendent, wa yaquluna ha'ula'i shufa'una 'indallah. Ils prétendent que ces créatures, c'est Mimbab, ils se rapprochent de Mimbab, Shafa'a. Cheikh al-Islam, il a démontré que la Shafa'a est divisée en deux. Aïndaman, Shafa'a est divisée en deux. Ou Shafa'a, Shafa'atan. Hein? Shafa'atan, Manfiyatou. Manfiyya. Et Shafa'a? Shafa'atan, Muthbata. Manfiyya, wa Muthbata. Donc, il y a une Shafa'a qui n'est pas autorisé, manfiya, la yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a une shafa'a qui est autorisée. Aïe, elle est légiférée, aïe, elle est haq. C'est quoi la shafa'a manfiya qui n'est pas autorisée? Hiya allati tutlab. Na'am. Hiya allati tutlab min ghayrillah. Il la demande à autre qu'Allah, et cette demande, c'est du shirk, les annahum ils invoquent autre qu'Allah, dans une chose. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner cette chose, qui peut répondre. Comme ils font al-mushrikoun. Comme on l'a vu dans le verset précédent. Et shafa'a al-muthbata mahi. Shafa'a al-haq. Elle est muthbata. Elle est citée fi adillat al-Qur'an wa sunnah. Mahi. Hiya allati tutlab min Allah. أي cette shafa'a, on la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que shafa'a c'est haq. Shafa'a c'est haq. Lakin al-mushrikoun, ce haq, ils ne l'ont pas appliqué comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a démontré. Ils n'ont pas respecté les conditions. Bel, ce haq, ils l'ont demandé à autre qu'Allah, fawaqa'u fi shirk. Amma nahnu, on sait que ce haq, la budlahu min shurut. C'est quoi les conditions de shafa'a? Na'am, al-idn, awulan. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il l'autorise à ce makhlouq de faire shafa'a pour un autre. Donc al-idn. Amma al-mushrikoun, ils n'ont pas l'idn. Bel Allah subhanahu wa ta'ala il leur a interdit d'adorer autre qu'Allah. Ils adorent autre qu'Allah, ils appellent cette adoration shafa'a. C'est du shirk. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les a appelés kuffar. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. La deuxième condition, عندك موحد qui soit موحد. نعم أن يكون موحدا لكن plus vaste الرضا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن الموحدين. Ça fait sortir الكفار المشركين. Donc ces deux conditions, الإذن والرضا. ثم الشفاعة. Avec ces deux conditions, شفاعة les حق et les profitables. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الشفاعة أي الله سبحانه وتعالى يبلدون الاوتوريزاسيون يفرق الشفاعة ومؤمنون موحدون الشفاعة الكبرى لعامة كذلك المؤمنون يفرق الشفاعة دوتر مؤمن وهكذا لكن لا دوموندي à autre qu'Allah سبحانه وتعالى adorer autre qu'Allah سبحانه وتعالى et prétendre que c'est الشفاعة هذا c'est عين الشرك c'est exactement le shirk que Quraysh ils ont fait. Donc c'est ça الخلاصة في هذه المسألة العظيمة. C'est une مسألة très importante ما يتعلق بالشفاعة والتوسل. لأن c'est lié avec التوحيد. Et بعض الناس ils ont mal compris jusqu'à de nos jours. Ils ont mal compris ces مسائل. فإذا ils ont adoré autre qu'Allah وقعوا في الشرك et ils appellent cette chose توسل أو شفاعة etc. فالمسلم وطالب العلم بالأخص il doit maîtriser ce sujet. لأن c'est le sujet le plus important ما يتعلق بالتوحيد والشرك et connaître كذلك شبهات المشركين et parmi leurs شبهات cette شبهة أي أنهم ils adorent autre qu'Allah et eux ils prétendent que c'est من باب الشفاعة والتوسل. Et dans d'autres livres العلماء ils détaillent أكثر من هنا لكن cette قاعدة la deuxième c'est une bonne base dans ce sujet حتى les études que tu fais après et les livres que tu lis après celui-là est plus vaste inshallah tu as des bonnes bases et tu comprendras akthar. قال المؤلف رحمة الله عليه القاعدة الثالثة troisième règle. Donc la première أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يغوكونسي توحيد الربوبية أي أن الله c'est le خالق المدبر etc. Et Cheikh l'Islam il a cité le dalil. La deuxième règle, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talab al-qurba wa al-shafa'a. Deuxième règle, Cheikh l'Islam il répond à leur shubha. Ils ont reconnu Allah comme créateur. Tu peux te poser la question, pourquoi ils adorent autre qu'Allah? Ils adorent autre qu'Allah, li annahum pour eux, c'est pour se rapprocher d'Allah. Cheikh l'Islam avec les preuves, il a démontré que c'était du shirk. Si tu veux te rapprocher d'Allah, tu demandes à Allah. T'adores Allah seul. Amma adorer une autre créature, ça ne fait qu'éloigner ce mushrik d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième règle, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. Ça c'est une قاعده عظيمه. شيخ الاسلام il répond كذلك à une autre ambiguïté, à une autre shubha que certains mushriks ils ont. شيخ الاسلام il démontre أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس أي quand Allah subhanahu wa ta'ala il lui a révélé ce din qui est fondé sur le tawhid. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à appeler au tawhid, il a mis en garde contre le shirk. Son qawm, ay al-arab, في الجزيرة قريش أوتر يزادوغي منهم certains ils adoraient le malaïka. D'autres ils adoraient l'anbiya ou salihin. مثلاً اليهود ils adorent l'Uzair, النصارى ils adorent Isa ibn Maryam عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يعبد الأشجار, certains d'entre eux ils adoraient des arbres, des pierres. اللات والعزة ومنات. مهم, ils n'étaient pas tous d'accord, ils n'adoraient pas tous la même divinité. Cheikh al-Islam, il veut te montrer avec cette règle, il n'y a aucune différence. Celui qui adore un ange, ou celui qui adore une pierre, ou des arbres, ou un mort, il n'y a aucune différence. L'imad, et c'est ça le but de cette règle. Pourquoi il n'y a aucune différence? Naam, les annahum, ils ont tous adoré autre qu'Allah. Donc, cette personne qu'elle adore un habit, ou elle adore un mort, ou des arbres, ou une pierre, elle a adoré autre qu'Allah. Même si ce makhlouq, il a un fadl azim indallah. Léana Cheikh al-Islam, il n'est pas en train de démontrer al-anbiya, c'est comme les pierres, abadan. La chaque al-anbiya, c'est afdal al-bashar. Et Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum. Ou al-mu'minun yuhibbuna al-awliya. Que ce soit l'anbiya, ou al-rusul, ou l'ulama, ou autre. Lakin, ce haq, c'est un haq lillahi azza wa jal, al-ibada. Le donner, adorer autre qu'Allah, c'est du shirk. Donc, celui qui adore un prophète, il a forcément adoré autre qu'Allah. Lian al-ibada, c'est un haq lillah. Qala azza wa jal, wa'abudullah. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شَيْئًا dans le verset, ça englobe tout. Donc que ça soit un ange, que ça soit un prophète, que ça soit un arbre, t'as pas le droit. Un prophète, un wali, même si on les aime fillah et on les aime fillah et on doit les aimer fillah azza wa jal, on n'a pas le droit de les mettre à un rang au-dessus du rang que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné. تَأَمَّلْ مَثَلًا النَّصَارَ. Ils se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont exagéré. Al-Ghulou. Et l'exagération, c'est parmi les plus grandes causes d'égarement. Au départ, ils ont aimé Isa. Thumma, ils l'ont élevé à un rang qui n'est pas le sien. Alayhi salatu salam. Thumma, al-an, al-Nasara, ils affirment clairement annahu c'est le fils d'Allah. Ou annahu c'est Allah. Et ils l'ont pris comme divinité. Alors que c'est un Nabi, un Rasoul. Et nous, on aime Isa ibn Maryam, l'annahu c'est un Nabi et un Rasoul. Lakin, on doit l'aimer, le respecter en tant que Nabi et Rasoul et ne pas l'élever au-dessus du rang que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Haka dans notre prophète, alayhi salatu salam. On n'a pas le droit de lui demander. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. On n'a pas le droit de lui demander. L'annahu c'est un Nabi, il nous a montré le dîn, nous a montré la voie. Et parmi les choses qu'il nous a montré, alayhi salatu salam, c'est le tawhid. Amma lui demander des choses qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous donner, hada c'est du shirk. Même si celui à qui tu demandes, c'est un Nabi. Les rabbis d'Annas, ils ont une pensée, un shirk, c'est adorer les statues, faqat. Amma les morts, les anges, les prophètes, pour eux, c'est pas du shirk. Pour eux, c'est wasila. Tu demandes le wasila ou tu demandes le shafa'a pour qu'ils te rapprochent d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils sont aimés indallah. Hada, c'est batil. Ils sont aimés indallah subhanahu wa ta'ala. Lakin, ils t'ont montré an-nadin Allah al-haq, c'est an-nadin Allah al-haq, c'est at-tawhid. Fa'adaw Allah subhanahu wa ta'ala bi-tawhid. Hada, c'est ça qu'il veut nous démontrer, Cheikh al-Islam, avec cette règle. Et il a cité des preuves pour chaque exemple. Qala. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء المشركين sans faire aucune différence. وقاتلوهم. الله سبحانه وتعالى il n'a pas cité une exception sauf ceux qui adorent les anges, sauf ceux qui adorent les prophètes. Là, ça nous montre que ils ont tous le même hukm. Vu que le Nabi صلى الله عليه وسلم les a tous combattus, ça démontre, tu comprends qu'ils ont tous le même hukm. Avec tous ceux qu'ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Premier dalil, premier exemple, الشمس والقمر, le soleil et la lune. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous démontre que c'est min ayatillah. Et tu n'as pas le droit de te prosterner, d'adorer cette créature. C'est un signe parmi les signes d'Allah Azza wa Jal, tu n'as pas le droit de l'adorer. الشمس a une utilité عظيمة, elle est très utile. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé pour plusieurs choses. Tu profites de la lumière, tu profites de la chaleur. Al-qamar kadalik. Kadalik, ça éclaire. Kadalik, on s'en sert pour compter les mois, que ce soit pour le hajj, pour Ramadan. Donc c'est ça leur utilité. Et nahnu nashkuru Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'ma. Amma les adorer, hada c'est pas min al-shukr, c'est min al-kufr. Et min al-shirk. Qala wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Donc celui que tu dois adorer, c'est celui qui a créé shams wal qamar. Thumma le deuxième dalil, wa dalilul malaika. Qawluhu ta'ala. Deuxième dalil sur al-malaika. Wa la ya'murakum an tattakhidhu al-malaikata wan-nabiyyina arbaba. Al-malaika wal-anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala nous a jamais ordonné de les prendre comme arbab, et de les adorer min dunillah. لأن السلوك يميغيت العبادة سي الرب الرب لواحد. دونك الملائكة والأنبياء ونلزم في الله عز وجل, لكن حق الله سبحانه وتعالى العبادة سي كبر الله. قال الشيخ زيد رحمه الله, أي القاعدة الثالثة من هذه القواعد التي تجلى فيها بيان التوحيد وإلزام الثقلين به وترغيبهم فيه وبيان شرك المشركين وبيان صوره المتعددة والتحذير منه. نعم, c'est ça le but de ces قواعد, أي démontrer التوحيد الصحيح, démontrer la gravité du shirk, citer des exemples, أي pour bien que tu différencies entre التوحيد والشرك. C'est ça le but de ces quatre règles. قال, et va maintenant, il va détailler la troisième. هذه القاعدة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله والناس متفرقون في عبادتهم ونحلهم ومللهم ومذاهبهم في العقيدة وغيرها. نعم, les gens ils étaient divisés dans leurs croyances et autres, et plusieurs dînes, اليهودية النصرانية المشركون etc. قال يجمعهم الإشراك بالله تبارك وتعالى. لكن ils avaient tous un point commun, c'est shirk. Tous, même si leur divinité elle était différente, ils adoraient des choses différentes, lakin le point commun qu'ils ont tous, al-mushrikoun, jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils adorent autre qu'Allah. Famatalan an ba'dannas ils adorent des vaches, ba'dannas ils adorent al-shaytan, etc. Ils ont tous un point commun, ils adorent autre qu'Allah. C'est pour ça qu'on les appelle tous mushrikoun. قال وإن تنوعت معبوداتهم ويجمعهم وصف واحد وهو أنهم مشركون. تتوس دي مشركون. فذكر المؤلف بأن منهم ناسا يعبدون الملائكة ويصورون صورا ويدعون بأنها تمثل الملائكة. نعم, ils ont représenté ces anges الملائكة avec des représentations et ils prétendent que c'est le malaïka. Alors, أنهم ils savent même pas que ay wasf al malaika ay l'aspect d'un malak, lakin kadhabun, ils le représentent et ils font croire que c'est Jibril ou autre et ils l'adorent min dunillah. Fayabudunaha wa laha yunzirun wa yadhbahun wa biha yastaghithun wa yasta'inun wa yatlubun al madad min jalb al masalih wa daf' al madar allati tutlab illa min Allah al aziz al ghaffar, min Allah al aziz al ghaffar. Ash-shirku تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. C'est que tu donnes une chose qui est réservée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala à autre qu'Allah. C'est ça le shirk. فهؤلاء, toutes ces choses, الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة, toutes ces choses que tu dois les accomplir que pour Allah, des ibadat, ils les ont accomplies pour autre qu'Allah. فوقعوا في الشرك. ومنهم, donc, il y en a certains, ils ont adoré les anges. D'autres, قال ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين وكذلك يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله الواحد القهار. Et ça c'est le point commun entre tous les mouchriques. Ils adorent autre qu'Allah, et cet autre, ce makhlouq, il leur est d'aucune utilité, que ce soit pour leur emmener un bien ou leur repousser un mal. لِيَنَّ الْأُمُورُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et il y a des asbab mashru'a bien sûr pour le bien et pour repousser le mal, lakin adorer autre qu'Allah, c'est pas un sabab. C'est pas un sabab shar'i. Là, c'est du shirk et ça pousse ce mushrik à sa perte. قال ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار كما هو حال كفار قريش والعرب والأحزاب حتى إن المسافرين منهم كانوا يحملون أحجارا ينصبون بعضها لقدورهم وينصبون بعضها آلهة يعبدونها من دون الله. أن بعض العرب quand ils voyageaient, ils transportaient avec eux leurs pierres, même si c'est une pierre énorme, et ils l'adorent tout au long du voyage. قال وهذا يدل على مدى جهلهم الشنيع أنهم يستخدمون البعض ويؤلهون البعض الآخر بل ويأكلون بعضا في بعض الأحيان ولا غرابة. أن بعضهم كما ذكرنا لكم أنهم يزادوغي une date ثم si la fin la mange ثم il la remplace. أو بعضهم كذلك يزادوغي une pierre s'il trouve une pierre pour lui qui est plus belle. Ou Mouhim, il pense qu'elle mérite l'adoration plus, il jette la première pierre et il adore la deuxième. Là, ça montre al-mushrik hatta sa raison elle est pas stable. Elle a adoré une chose et la manger ou la jeter, la remplacer, ça montre que c'est pas un ilah bihaq. قال ولا غرابة لأنه لا ينقذ من الجهل إلا العلم ولا علم لديهم إلا ما تميله عليهم إلا ما تمليه عليهم شياطينهم وزخرف القول غرورا. نعم شياطينهم قال إلا ما تملي عليهم شياطينهم زخرف القول غرورا. أي لو شياطين لو أمبليس الأقوال أنهم يسمعوا على حق حتى اغتروا وظلوا. كما قال الشيخ زيد لا غرابة. نحن peut être étonné ربما de leur حال, لكن في الحقيقة لا غرابة. Il y a pas à être étonné. لماذا؟ لأن الجهل est الكبر. لأن الجهل c'est pas toujours une excuse. لأن هؤلاء الحق ils l'auraient pas revenu. Ils l'ont pas accepté. كثير منهم والله الحمد ils ont fait توبة. Ils sont revenus au حق. لكن ceux qui n'ont pas accepté الكبر هو الغرور. Et ils prennent que ce qu'ils veulent et ils ont rejeté ce qui contredit leur hawa, leur passion. فانحرفوا. Et ça nous montre l'importance de l'ilm, l'importance de faire des efforts في العلم, خاصة علم التوحيد. ومنهم من يعبد الشمس والقمر كالصابئة. Ils adoraient الشمس أو القمر. ونحوهم ممن يتوجهون بعبادتهم إلى الشمس والقمر والله تبارك وتعالى خالق الشمس والقمر لمنافع ومصالح لا يحصي عددها إلا الله عز وجل. نحن par rapport au مخلوق on ne doit pas les adorer jamais. نحن par rapport à ces مخلوقات que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé on doit avoir du شكر. فنشكر الله subhanahu wa ta'ala على هذه النعم, que ce soit le qamar, que ce soit le shams, que ce soit les messagers. نشكر الله سبحانه وتعالى أنه il a créé des messagers, il les a envoyés pour nous montrer le haq. كذلك نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا القرآن. القرآن c'est كلام الله. الله il l'a révélé au prophète صلى الله عليه وسلم par l'intermédiaire de Jibril. فتout ça نشكر الله عز وجل. Et on multiplie العبادات et on fait tout pour être le plus sincère possible. C'est ça notre position. Amma, les adorer, awalan, c'est une adoration qui est d'aucune utilité. Léna ou ce makhlouq, il peut rien te donner, il peut rien t'enlever. Illa yasha Allah. Et thaniyan, c'est pas mina shukr. Léna Allah, il les a créés pour une chose précise. Et ce mushrik, il contredit tout ça en adorant ce makhlouq. قال وقد أشار الله عز وجل إلى بعض منافعها ومصالحها في القرآن كقوله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل وكقوله تعالى وجعل الشمس سراجا القمر, الله سبحانه وتعالى قدره منازل أي différentes étapes, la pleine lune, ثم الديمينو الديمينو ثم recommence à nouveau, un nouveau mois, حتى l'atteint ce قمر ça, نعم, il est plein, la pleine lune, وهكذا. Et on s'en sert pour compter, on s'en sert pour connaître les mois, on s'en sert pour le hajj, beaucoup de choses. الشمس قال وجعل الشمس سراجا, السراج c'est comme une lampe pour nous éclairer. قال وكقوله وجعلنا سراجا وهاجا وكقوله عز وجل ممتنا على الخلق قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. الله سبحانه وتعالى يخاطب العباد avec un exemple عظيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا, أي réfléchissez et méditez bien si Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a plus de jour. La nuit, c'est toujours la nuit. Il a yawm al-qiyam. Qui c'est qui pourra man ilahun ghayrullah yatikum bidhiya? Qui c'est qui pourra, autre qu'Allah bien sûr, vous emmener, vous apporter de la lumière? Allah subhanahu wa ta'ala il qaddar qu'il y a toujours la nuit. Personne ne pourra. Ça nous montre أن أولا c'est une ni'ma azima le soleil, لأن c'est une cause pour être éclairé, réchauffé, etc. Et ثانيا ça nous montre أن on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Le contraire, si ça serait toujours la journée, il n'y a plus de nuit. Alors que la nuit, c'est une ni'ma. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla قال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. تسكنون فيه, أي c'est vous reposer. La nuit, c'est fait pour se reposer. Il y en a la journée avec la chaleur, avec tout le monde est en activité, etc. T'as besoin de te reposer. C'est pour ça que tu te reposes mieux dans un endroit calme et dans un endroit sombre, obscur. Même s'il fait jour, des fois tu as envie de te reposer, tu t'enfermes dans un endroit et tu éteins la lumière, ça te repose. Mais la lumière tout le temps, ça te fatigue. C'est une ni'ma la nuit. Donc tu as besoin des deux, la journée et la nuit. Tu as besoin du soleil, tu as besoin de la lune. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il te cite ces exemples pour que tu médites. C'est pour ça qu'à la fin du verset, قال, أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et est-ce que vous ne voyez pas? Al-Aqil, il le sait, il le ressent. Donc, anta par rapport à ces deux ni'am, shams wal qamar, kadalik la journée et la nuit, tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout ne pas adorer al-shams wal qamar. قال الشيخ زيد وحذر الله من صرف شيء من العبادات للشمس والقمر كما في قوله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc le verset que Cheikh al-Islam il a cité رحمه الله. Donc c'est des ayat, c'est des signes. C'est pour ça que dans le verset précédent, min surat al-qasas, afala tubsirun, afala tasma'un, et est-ce que vous entendez pas, est-ce que vous ne voyez pas? Tout ça, c'est des signes. C'est des signes, on doit méditer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla قال, wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shams wa al-qamar. Parmi ces signes, la nuit, le jour, le soleil, la lune. Donc ces signes, anta, tu dois méditer. Ces signes, ils ont un créateur, Shams. Le soleil, il n'est pas venu tout seul. Le Qamar, il n'est pas venu tout seul. La lune. Donc, on doit méditer et ça doit nous pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le créateur de ces signes. Idan, قال شيخ زيد, فالمشركون الذين عبدوا غير الله عز وجل من تلك المعبودات المتعددة الأنواع كلهم صرفوا العبادة إلى غير الله وكانوا بذلك مشركين شركا أكبر فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أهل نحلة ونحلة لأنه يجمعهم الشرك بالله. La conclusion de tout ça, c'est que le mushrik, c'est celui qui adore Allah autre qu'Allah Azza wa Jal, même s'il adore Allah. Et il a associé Allah subhanahu wa ta'ala à un makhlouq dans ce haq al-ibad. Donc, ihdhar akhi al-karim de shubuhat ba'd an-nas. Et tu le vois jusqu'à aujourd'hui. Ba'd an-nas, tu leur dis, pourquoi tu égorges pour ce mort? Pourquoi tu fais tawaf autour de la tombe de ce mort? Même si c'est un wali, comme tu prétends. Et tu vas le mettre en garde, annahu, c'est du shirk, tu dois adorer que Allah. Kathir minhum, ils répondent, lakin, moi j'adore pas une statue. Pour lui, shirk, c'est adorer une statue, comme il faisait kuffar quraish. Amma, ce qu'il fait lui, c'est pas du shirk. Fanahnu, on leur répond, est-ce que Nasara, c'est des mushrikoun? Al-Nasara, ils adorent Isa ibn Maryam. Et ils adorent Maryam. Ma'ahada, c'est des mushrikoun. Al-Yahoud, kathalik, c'est des mushrikoun. Enfin, le mushrik, c'est pas celui qui adore la statue. Là, la statue, c'est un exemple, ou c'est un cas, parmi les cas. C'est une catégorie de mushrik. Wa illa fa shirk billahi azza wa jalla, c'est adorer autre que Allah azza wa jalla. Même si ce mushrik l'adore Allah, s'il adore autre ma Allah, c'est un mushrik. Que ça soit un nabi, un malek, un mort, un vivant, al-shams, al-qamar, des arbres, des pierres, quelque chose qui parle, qui ne parle pas, qui bouge, qui ne bouge pas, c'est un mushrik li annahu abada ghayra Allah azza wa jalla. Alors, on fait aucune différence. On fait aucune différence entre les mushrikin. Ay min hayth al-hukm alayhim, c'est un mushrik amla. On fait aucune différence. Et on fait une différence entre al-makhluqat qui sont adorés. Bien sûr, al-anbiya, tu peux pas comparer un habit avec une pierre, avec un arbre. Là, tu peux pas comparer une pierre avec le soleil. Le soleil, il est azam et il est anfa. Mais le soleil et la pierre, c'est parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. Lakin, nahnu al-an, on parle al-fi'l, ay le shirk. Il n'y a aucune différence. قال الشيخ زيد لأنهم يجمعهم الشرك بالله تبارك وتعالى فبئس ما كانوا يعملون وساء حالهم ومآلهم بما كانوا يصنعون. هلكوا أنفسهم. Ils se sont égarés, ils se sont perdus. عياد بالله. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah عز وجل et ils n'ont pas écouté دعوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله dans le متن ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Deuxième exemple, Al-Anbiya. Cheikh al-Islam cite le dalil pour démontrer à celui qui adore un Nabi, il a adoré autre qu'Allah. Et celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mushrik, un kafir. Et il cite l'exemple de Isa ibn Maryam. Et la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, min surat al-Ma'ida. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre à ba'd al-nas, ils ont adoré Isa. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé cette adoration et il les a appelés ilahayn. Pourquoi? Parce que بعض الناس, ils les ont pris comme alihah. بعض الناس, jusqu'à aujourd'hui, al-Nasara, les chrétiens, ils ont pris al-Masih, Isa ibn Maryam, et sa mère Maryam, comme divinité. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal قال أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre comme divinité, comme divinité, toi et ta mère? Qala Isa ibn Maryam, qala subhanak. Subhanak. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de hada. Et Isa ibn Maryam, jamais il a appelé à hada. Ma yakunu li an aqula ma li laysa li bihaq. Isa ibn Maryam, il est appuyé par la révélation. Enfin, il ne peut pas dire une chose qui contredit le haq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Et si Isa il l'aurait dit, Allah subhanahu wa ta'ala il l'aurait su. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit hakada à Isa pour démontrer aux ibad anna Isa il a rien à voir avec le Nasara, ceux qui l'adorent et qui adorent sa mère. Tout ça c'est pour an taqum al hujja 'ala ha'ula al mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé Isa. Et il sait très bien ce qui s'est passé. Et il sait très bien que Isa, il est à la haq. Lakin, c'est pour démontrer aux ignorants qui adorent Isa et sa mère. Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala qala ilahayn min dunillah. Ça démontre que celui qui adore Isa ou sa mère, il les a pris comme divinité. Et celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mushrik. Et même Isa lui-même, alayhi salatu wasalam, il n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'il a démontré que ce n'était pas min al-haq. Qala Sheikh Zayd, wa fi qawlillahi azza wa jal. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بَيَانٌ لِلنَّاسِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ لَا يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ. Bien sûr, dans ce dalil, on peut faire entrer Kadalik al-Salihin. Liana al-Anbiya, c'est Durwat al-Salihin. Chaque Nabi, c'est un Salih. Donc, Cheikh Zayd, il démontre anna ce verset, il démontre aux gens anna al-Anbiya al-Salihun, ils n'appellent pas les gens à les adorer. Enfin, pourquoi les gens ils les adorent? Il n'est ce shaitan qui les égare. Amma le wali lui-même, si c'est vraiment un wali, qu'al-Anbiya et ceux qui suivent l'Anbiya, jamais ils appelleront à se faire adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bel, le Nabi, Isa ou autre, il est venu que pour appeler au tawhid. Et tout ce qui suit, bien sûr, min al-ibadat, wal-akhlaq, wal-mu'amalat. Lakin, c'est tout basé sur le tawhid. Lakin, hakada al-jahl wal-kibr. Al-mushrikoun, c'est des juhal, et ils ont un kibr ajib. Malgré toutes ces preuves, kathir minhum, ils ne reviennent pas au haqq. قال ولا إلى الغلو فيهم ولا إلى طلب قضاء الحاجات منهم وحاشاهم لأنهم من أزكى الناس توحيدا ومن أشد الناس احتراما لجلال الله عز وجل. نعم عيسى عليه الصلاة والسلام et tous les autres أنبياء حاشاهم أنهم ils appellent à se faire adorer en dehors d'Allah سبحانه وتعالى. ولكن الناس هم الذين يدعون يدعوهم إبليس إلى الغلو في الصالحين من ملائكة وأنبياء ورسل والصالحين من عباد الله. فبين الله تبارك وتعالى أن عيسى عليه السلام ما كان يرضى أن يتخذ إلها من دون الله. نعم. Donc une des causes c'est Iblis. الشيطان il les a égarés par un peuple. Et avec un moyen clair, vous aimez les prophètes, vous aimez les salihins, si vous les aimez, vous devez vous rapprocher d'eux. Vous ne devez pas les oublier. Qissat Qawm Nuh, elle est connue. Ils ont fait les représentations pour ne pas les oublier. Et ça montre que les représentations, c'est parmi les causes du shirk, de tomber dans l'exagération et de les adorer. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, ils ont haram ces représentations d'images avec des âmes. Surtout الصالحين الأنبياء et الصالحون من العلماء etc. C'est très très grave de les représenter. Pourquoi? Parce qu'un qawm peut venir après et exagérer les adorer. كما في حديث ابن عباس قصة قوم. Donc l'exagération. Iblis, il les a égarés. Pourquoi vous allez les oublier? Ils sont morts. Tout le bien qu'ils ont fait, vous allez les oublier. Donc ils ont exagéré. حتى عبدوهم من دون الله. Donc nous on fait attention. Ton amour envers une créature, bien sûr un amour légiféré, ka hub al-anbiya wal-rusul, hub al-sahaba, hub al-ulama, hub al-salihin, ça ne doit pas te pousser à dépasser les limites. Ça ne doit pas te pousser à transgresser. Les ma'adha, les anna, c'est une porte d'égarement. Chacun à sa place. Tes parents à leur place, tu les aimes, et encore plus si c'est des musulmans, et tu les aides et tu veux que personne leur fasse du mal, etc. Ton shir, tu l'aimes, li'annahu il a un haq azim sur toi, il a fait des efforts, lakin il est à sa place, c'est un bachar, il peut se tromper, et si le haq il est avec un autre, je prends le haq, et t'adores Allah seul. Al-anbiya, tu les aimes bien sûr, c'est obligatoire, lakin ton amour, il ne dépasse pas les limites, hatta ta'taqid fihim, annahum c'est des aliha, comme ils ont fait le nasara. Là, tu l'aimes, et ton amour sincère, si tu es vraiment sincère, tu dois le suivre. Comme قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si on aime vraiment Allah عز وجل, on doit les suivre, on ne doit pas les adorer. هكذا chaque chose a sa place. قال فبين الله تبارك وتعالى أن عيسى عليه السلام ما كان يرضى أن يتخذ إلها من دون الله، ولذا فقد أخبر الله عن براءته وأنه يوم القيامة يقول ما قصه الله عنه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم، لأنه سبا من الحق. عيسى إلنا جمع أبلي هؤلاء على دغي، يعني كونه يقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا لا يمكن. C'est pas possible. لماذا؟ لأن عيسى سنبي إلي معصوم عن هذا. الله سبحانه وتعالى لا بخزغفي ده هذا. لكن الله سبحانه وتعالى إلى ديسل عيسى إلى سيتي دون القرآن. لماذا؟ حتى تقوم الحج على الناس. Pour que les gens ils comprennent ce qui adore Isa, ils vont comprendre. C'est pour ça que certains Nasara ils sont revenus à l'islam avec ce genre de verset. Ils ont compris que Isa il était innocent de tout ce qu'ils ont, de tous leurs mensonges, et أن العبادة c'est un حق لله. C'est ça le but. وإلا فعيسى لا شك ولا ريب أنه إلي معصوم عن هذا. قال يعني كونه يقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا لا يمكن أن يصدر منه عليه السلام، لأنه أعرف بربه، أعرف بربه أي إلى العلم، كذلك إلي معصوم عصمه الله عز وجل. وهكذا كل صالح عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه يتبرأ من أولئك، يتبرأ من أولئك العابدين، ولا يعترف بعبادتهم، ولا يلحقه شيء من المآثم التي اقترفوها، لكن هم الذين اقترفوا الإثم الكبير والذنب العظيم. سنمونتر ك الأنبياء والرسل كذلك الصالحون qui sont adorés, ils sont bris, ils sont innocents et ils ont aucun إثم، لأنهم ils ont montré aux gens et c'est les gens qui les ont adorés. تعلمون أن بعض الناس jusqu'à aujourd'hui ils adorent l'imam al-Bukhari. Ils font tawaf autour de sa tombe. بعض الناس ils adorent l'imam Shafi'i. بعض الناس ils adorent des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم qui sont enterrés dans certains endroits. Oh, ils pensent qu'ils sont enterrés. Al-Muhim, leur niya c'est d'adorer ce salih. Ce salih, si c'est vraiment un salih, comme les imams qu'on a cités, ou les compagnons, et bien sûr les prophètes, il n'a aucun mal, il a appelé à aucun mal et il n'aura aucun péché par rapport à Haoula. C'est eux qui sont fautifs. Haoula al-Mushrikoun. وهم الذين يلامون على ذلك وهم الذين عرضوا أنفسهم لعذاب الله وعرضوا أنفسهم لجهاد الأنبياء وجميع أتباع الأنبياء في كل زمان ومكان. نعم، c'est le mushrik, c'est lui qui aura des comptes à rendre par rapport à هذا. Et c'est lui, s'il meurt à la هذا, il sera في النار، لأنه il sera mort à la الشرك الأكبر. أما ce nabi, ce صالح، il est innocent de هؤلاء. C'est pour ça que العلماء في تعريف الطاغوت ils disent من عبد من دون الله وهو راضي، celui qui est adoré en dehors d'Allah et il est satisfait de cette adoration et il accepte. مثل بعض الدجالين، ils appellent les gens à les adorer من دون الله et ils acceptent هذا. هذا c'est un طاغوت. أما ce nabi ou ce صالح، il est mort et il a appelé toute sa vie au tawhid، ثم certains جهال ils l'adorent من دون الله à cause de Iblis et à cause de leur ignorance. Ah ouais, il est innocent de Haoula et il n'a rien à voir avec leur shirk. Hada, il reste l'exemple de Salihin. On le laisse, Inch'Allah, pour le prochain dars. Il y en a al-waqt dhahab et baqiya. Lakin, Inch'Allah, le dernier dars, on finira la troisième règle et on lira la quatrième. Li'annaha, elle est simple et courte. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq wa sadaq. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.